Oh Jésus, mon désir est d'être contre toi. Regarde comme je suis torturée par ton absence. Des fois où tu me prives de ta présence, mon âme a soif de ta puissance. Oh Jésus, mon désir est d'être contre toi. Grâce divine, ô Jésus, si tu tardes, me renie jamais. Pardon.